Alors Electric OW, là, c'est le dernier Oui, alors j'ai caché date, absolument, c'est le dernier, et j'ai absolument, enfin c'est pas le dernier, parce que depuis il y a eu un août petit 2011. livre, ouais, mais depuis j'ai fait un petit livre chez Hatier pour enfants, qui d'ailleurs est entièrement repompé techniquement sur un principe qu'avait fait Paul, et qui est un principe de rotation et de point de vue sur le roman. Paul avait écrit dans les dans dans dans dans, dans, la, dans un, truc, un texte publié dans anthologie et qui s'appelle Roman, un certain nombre de romans vus par différents points de vue et qui tous commencent par c'est l'histoire de. Donc ça commençait par l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux, je sais plus exactement, mais qui tombe amoureux d'une jeune femme. Et donc cette histoire était racontée de quatre, de huit, sept points de vue différents, l'homme, la femme, le petit garçon. Le perroquet, pas le perroquet, mais le canari, le bouquet de fleurs, le garçon de café. Enfin, il y avait toute une série de biais pour aborder l'histoire. Et cette histoire avait cet intérêt, enfin, le traitement de Paul avait cet intérêt narratif, qui d'ailleurs est extrêmement fécond en atelier, qu'il faisait avancer l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire était définie par une personne, que la deuxième, qui donnait son propre point de vue sur l'histoire, la faisait avancer plus loin, non seulement plus loin narrativement, mais parfois chronologiquement, pouvait l'étendre sur une plus grande durée de temps. Parfois, ça pouvait être, d'un seul coup, la même histoire ramassée sur quelques fractions de semaines, pour le cas du bouquet, qui finissait par sécher, d'être accroché. Donc, il y avait un truc intéressant, et moi, j'ai fait un livre pour enfants qui s'appelle Tout un fromage. Non, Un fromage sans doute. Un fromage sans doute. Un fromage sans doute, et qui, comme son nom l'indique, est une revisitation de la fable de La Fontaine, dans lequel, point de vue de la crémière, point de vue du fleuriste, point de vue de la pierre, point de vue, etc. Il n'y a pas le point de vue du corbeau. Voilà, parce que la fable elle-même est le point de vue du corbeau, si on la regarde bien. Il y a toujours un point de vue dans les fables de La Fontaine, et là, c'est le point de vue du corbeau. Et donc, je ne l'ai pas traité. J'ai traité le point de vue du renard, par contre, qui n'est pas tout à fait traité dans La Fontaine. Et puis, sinon, Electric OW, donc c'est le livre d'avant, et qui, dont la contrainte, elle, est partiellement cachée, mais dont on voit bien qu'il y a des trames narratives à l'intérieur qui s'organisent comme des fils. Hein. Il y a. Je vous en énumérer quelques-unes. Quand même. Electric OW, alors c'est le nom d'une ligne. Alors, voilà, il n'y a pas de. Quand on connaît Lisbonne, il n'y a pas de ligne à Lisbonne qui porte de nom, de lettres. Toutes les lignes de Lisbonne portent des noms de chiffres. La ligne de Lisbonne, de tramway la plus célèbre, étant la 28, qui fait le tour de Lisbonne, qui passe par la plupart des lieux touristiques et monuments. Et donc le W, ça m'intéressait pour des raisons qu'on peut largement énumérer. D'abord. Electrico et W, ça va bien ensemble, parce que W, c'est watt, c'est le symbole du watt. Le W, c'est le symbole dans les. C'est visuellement, c'est l'embranchement d'un tramway. Donc, c'est deux rails qui divergent. On voit bien, il y a deux rails qui vont par là et deux rails qui vont par là. Et ça fait le W. C'est aussi. Mes personnages s'appellent Vincent et Antonio. Antonio, c'est le double de Vincent, en fait. Un double noir, un double. Après, je reviendrai sur qui sont les personnages, mais c'est le double noir de Vincent, donc c'est le double V, c'est deux Vincent finalement, un noir, un blanc. J'ai pris Antonio parce que c'est Vincent et Antonio sont les deux saints fondateurs de Lisbonne. Bon, donc c'est pas tout à fait au hasard. Lisbonne est une ville qui a été censée être fondée par Ulysse. Vincent Balmer. Est un personnage qui m'intéressait parce que c'est un écrivain raté, donc qui n'arrive pas à être balzacien, donc c'est Bal. Mais il arrive finalement à être maire, donc c'est maire, donc c'est Balmer. Voilà, il voudrait être Balzac, mais il finit par être maire, c'est-à-dire qu'il devient aveugle, et il n'écrit qu'un seul livre. Voilà, parce qu'on suppose. Voilà. Ah oui, ça, attention, hein, c'est l'Oulipo. Donc, et puis il y a une autre raison sur le W. Qui est évidemment pérequienne, qui est que le livre commence par un souvenir d'enfance. Le livre est initialisé par une scène, qui est une scène primaire, quoi, vraiment, qui lance le livre. Enfin, c'est pas le chapitre 1. Et dans le chapitre 1, mais ce n'est pas la première scène exactement par laquelle s'ouvre le livre, mais c'est celle qui va éclairer le livre. Voilà. Donc je vous laisse ce souvenir d'enfance qui va en opposition du W, qui commence par « je n'ai pas de souvenir d'enfance ». Voilà. Et donc je vous laisse cette référence. On ne peut pas, les Oulipiens, c'est difficile lorsqu'ils écrivent le mot W de ne pas penser à ça. Voilà. En plus, cette lettre n'existe pas en portugais. Elle n'existe pas. Et donc les Portugais, évidemment, elles s'y trouvent forcément, puisque il faut bien qu'ils écrivent quand même Brown, mais sinon, elle n'est pas dans la langue d'origine. Et donc, ils la disent W. Et W, c'est une lettre folle en anglais, parce que U, c'est U. C'est pas W, ça serait double V. Et ils disent W. Et donc, W, évidemment, c'est double toi. M'a fait remarquer mon éditeur américain, qui m'a dit que c'était une très bonne raison pour le vendre. Et j'ai trouvé que c'était... Je n'avais pas pensé, mais c'est assez juste que, que c'est le double toi. W, c'est double toi. C'est assez joli comme idée. Voilà. Mais c'est évidemment une référence péréquienne. Alors après, les structures intérieures, je sais qu'il y a plusieurs fils. Il y a évidemment un fil par lequel j'avais commencé l'écriture du livre, qui est très ancien, j'ai commencé l'écriture il y a très longtemps, juste après avoir fini d'écrire Le voleur nostalgie, et je l'ai abandonné pendant presque 15 ans. J'avais commencé à travailler sur une histoire parallèle de l'Odyssée. Donc j'avais une réécriture totale de l'Odyssée. Et mon Vincent Balmer était l'Homère qui accompagnait Ulysse, et il voyageait avec Ulysse, et il faisait de sa vie... de sa propre vie à lui, il faisait l'expérience d'une vie réussie à côté de la sienne, comme si un Homère, comme si vous accompagniez Ulysse, avoir tous ces succès féminins, toute cette gloire passée, l'homme quand même le plus intelligent de la flotte grecque, de toute évidence, enfin, beaucoup plus que Ménélas, mais ça ne devait pas être difficile, qui doit rentrer chez lui et qui, au terme d'un long voyage, finit par y arriver. Et je m'étais rendu compte, en écrivant cette histoire, que la vraie histoire d'Ulysse, c'est pas l'histoire d'un mec qui veut rentrer chez lui. C'est évidemment le contraire absolu. C'est l'histoire d'un type qui veut pas rentrer chez lui. Et d'un seul coup, ça a apporté toute l'histoire, parce que l'histoire d'Ulysse, la vraie, celle qu'on lit en filigrane dans l'Odyssée, c'est clairement un type qui veut pas rentrer chez lui. La preuve, c'est que les dieux finissent par en avoir tellement marre qu'ils tergiversent, qu'ils finissent par le précipiter sur la plage d'Ithaque au bout de 20 ans. Lui, il n'a pas prévu, qu'il y arrive. Au début, il veut peut-être y retourner. D'ailleurs, ça commence comme ça. Hein. Il veut y retourner. Son premier voyage dure presque un mois. Il revient de Troie et il arrive devant Ithaque. Et là, les dieux l'en éloignent. Il ne fait pas beaucoup d'efforts, mais les dieux l'en éloignent. Et après, une fois qu'il a raté son premier retour, eh ben, il procrastine, comme on dit. Voilà. Et donc, Rome. Morgen ist er ein Tag, comme disaient les Allemands, demain est un autre jour, et donc il hésite à rentrer. Et donc j'ai voulu raconter l'histoire d'un homme qui hésitait à rentrer, mais qui hésitait vraiment à rentrer, et qui, parce qu'il ne peut pas rentrer, et parce qu'il n'a plus de place. Donc je voulais traiter la question du retour, et la question de l'impossible retour. Un, sur retourner dans son présent vers le passé, qui a disparu, parce que les passés disparaissent, et deux, l'idée qui me paraît absolument forte, qui est que lorsque deux personnes se quittent pendant 15 jours, elles se quittent pendant un mois. Parce que chacun vit 15 jours différents. Et donc, j'ai décidé... Les 15 jours sont différents, donc chacun va dans un chemin, l'autre dans l'autre. Ces deux chemins ne sont pas parallèles. Et donc, les temps passés l'un sans l'autre ne sont pas des temps symétriques, ce sont des temps qui s'additionnent. Et ça m'intéressait très, très beaucoup comme point de vue. Et j'ai donc traité cette question de l'éloignement, de l'impossibilité du retour, du mensonge... et puis de la vie non vécue par le narrateur, puisque le narrateur a une non-vie. Il vit à travers les autres, il vit à travers son personnage de Antonio, il vit à travers ses livres, il tente d'écrire, et il n'a absolument que des rapports foireux avec les femmes, c'est-à-dire des rapports dans lesquels il n'arrive pas à s'investir, dans lesquels il est timide, dans lesquels... Donc j'ai repris toutes les femmes du livre, j'en ai fait une seule, et puis j'ai travaillé autour de ça. C'est, là aussi, il y a quand même la structure forte, parce que quand on commence à se dire qu'on va suivre l'histoire d'Ulysse, il y a des passages imposés, quoi. On est forcé de traiter le personnage de Circé, le personnage de Calypso, et le personnage de Nausicaa, qui sont quand même trois personnages qui, du point de vue de la symbolique féminine, sont des personnages très puissants. Circé, c'est la magie, donc c'est l'ensorcellement. Ça représente en fait exactement ce que dit Stendhal, hein, c'est-à-dire la cristallisation. C'est exactement ça, Circé, c'est pas autre chose. Circé, il faut savoir au plus que c'est un mot qui veut dire, en grec ancien, le cercle. Circum, Circé, on voit bien que ça veut dire la même chose. Ça veut dire vautour, parce que en grec ancien, la plupart des mots étaient directement associés à des logiques qui étaient des logiques de la nature. Donc, le vautour tourne en cercle. Donc, il était normal qu'on appelle un oiseau qui tourne en cercle, le cercle. C'était clairement établi qu'il n'y avait pas de doute contextuel. On disait « regarde le cercle », on regardait le vautour. C'est pas gênant. Il y a plein de cas, en français où on a bien les deux mots qui veulent dire deux choses différentes, et c'est pas gênant. En grec, c'était le cas. Donc, c'est le vautour, et donc c'est la prédatrice par l'ensorcellement. Et ça, c'est clair dans le livre d'Homère. Enfin, on peut avoir une lecture psychanalytique ou pas, mais c'est même pas psychanalytique, c'est juste une lecture linguistique du texte. Elle s'appelle Circé, elle s'appelle le cercle. Et il tourne en rond dans cette île. Enfin, c'est une évidence, quoi. Calypso d'abord, c'est la promesse de l'éternité. Donc ça, c'est l'illusion de la non-mort dans la relation avec la femme. C'est quelque chose qui est d'une évidence absolue, mais c'est autre chose que l'ensorcellement. Ça, c'est l'union. C'est d'ailleurs la femme avec qui il va rester le plus longtemps. Et puis enfin, Nausicaa, c'est retrouver sa jeunesse. C'est-à-dire, c'est la deuxième femme. C'est la femme qu'on rencontre à l'âge de 40 ans et qui a 20 ans de moins. C'est exactement le circuit des hommes dans leur rapport avec les femmes, ça, l'illusion de la Renaissance avec une femme plus jeune. Et Nausicaa, c'est ça, c'est la femme d'un roi. On lui promet la femme d'un roi. Nausicaa est plutôt d'accord. Et donc, on est dans un circuit qui est extrêmement intéressant pour un romancier. Parce qu'on peut traiter avec de la symbolique ces trois moments, de ces trois femmes, à travers moi la même, exactement la même. J'ai essayé de le traiter à chaque fois en me disant, bon, c'est Circé, en me disant ensuite, c'est Calypso, en me disant ensuite, c'est Nausicaa. Ce qui fait que dans le livre lui-même, si on le lit, on voit bien que ce n'est pas la même femme exactement. Il y a une petite nuance. Elle bascule lorsque clairement elle est sur son île au début et qu'il la rencontre, on voit que c'est une sorcière. Lorsqu'ensuite elle est sur... elle passe la nuit avec lui, on voit que c'est une... On voit que c'est la femme de sa vie. Et la dernière fois, c'est la femme qui le quitte, mais parce qu'il a trahi. Voilà. Donc il y a ces trois personnages-là. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant à travailler, parce qu'une fois de plus, là, c'est... on ne se laisse pas guider par le premier jet. C'est aussi, bien que ce ne soit pas un livre sous contrainte, il y avait cette contrainte quand même sémantique de mes personnages et de leur profondeur psychologique, qui n'était pas une profondeur psychologique que j'avais moi-même voulu farcir comme de l'ail dans un gigot, mais qui était présente en elle par la nature même des personnages que j'avais choisi d'incarner. Voilà. Alors ensuite, ça allait tout couler de source, c'est-à-dire après on se débrouille pour caser Polyphème, on se débrouille pour caser les mangeurs de lotus. C'est toujours à des endroits assez cachés, mais ils sont là. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a des, vous savez, c'est comme dans les logorallies, quoi. Les logorallies qui sont ces jeux olympiens dans lesquels on va d'un mot à un autre et on raconte une histoire qui va de ce mot à ce mot-là. On en trouve un exemple dans Exercice de style. Ou dans lesquels il y a baïonnette, dans lesquels il y a je ne sais plus quoi. Bon, moi j'avais des passages obligés, des moments de narration dans lesquels il fallait que je casse mon Polyphème. Voilà. Donc Polyphème, pour moi, c'était l'appareil photo, ce qui n'a qu'un œil. Mm-hmm. Voilà. Le mangeur de lotus, c'est un restaurant chinois. Donc j'avais des phases comme ça où je jouais avec les moments. Voilà. C'est assez. Car il y a des Scylla qui est caché aussi. Enfin, Donc ça, c'est vachement intéressant à écrire. C'est pas une fois de plus, c'est pas un truc pour Thésard, parce que je les cache, c'est pas pour qu'on les cherche. C'est juste pour moi. Je crois qu'une des caractéristiques des Oulipiens, c'est pas forcément établir un pont avec le lecteur. Quand il y en a, pourquoi pas. Mais c'est d'abord pour soi. C'est d'abord pour se créer des pas forcément des leviers, parce que parfois c'est des obstacles. Hein. Mais moi, je crois que les courses de haies, c'est des courses plus intéressantes que des 100 mètres. Je ne fais ni l'un ni l'autre. Mais il me semble que c'est plus intéressant. Voilà. Mmh. Ou le... Voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé faire ce livre pour ça aussi. Alors après, bon, il y a d'autres fils intérieurs. Il y a le livre qu'il essaie de traduire, qui m'a permis de traiter. J'adore quand dans les livres, il y a d'autres livres. Le livre dans le livre, dans Assez parler d'amour. Dans La Chapelle Sextine, il y a le poète japonais Teishi Hiro, qui en permanence délivre des haïkus. Alors, évidemment, personne ne s'est rendu compte que Hiro, Teishi Hiro, quand on inverse, ça fait Hiro Teishi. Ce qui n'est pas terriblement élégant pour un nom d'un poète japonais, mais Teishi Hiro, c'est parfaitement beau. Donc, je n'ai pas eu de remarque du tout sur la grossièreté de ce poète. Dans ce livre, c'est dur de tirer autre chose de soi-même que des haïkus. En fait. Oui, c'est vrai. Un petit haïku, en passant. Voilà. C'est le fond du livre. Hein. Donc, c'est le fond du livre. Tu n'auras pas à le renier. Voilà. Il y a d'assez beaux haïkus érotiques dedans. Voilà. Et donc, à chaque fois, je mets un livre dans le livre. Voilà. C'est presque systématique. Je ne peux pas m'empêcher, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Dans Le vol en nostalgie, c'est farci, non pas de livres dans le livre, mais il y a des faux livres. Et il y a le tableau des noces de Cana. Dans Espagne d'amour, il y a ça. Dans Les rues de W, j'ai un personnage qui est Jaime Montestrella. Donc Jaime Montestrella, qui est un... Wikipédia. Qui est sur Wikipédia, oui. Qui est sur Wikipédia. Il y a une belle fiche Wikipédia en anglais, en portugais, en espagnol, en français. Et donc, Jaime Montestrella, qui a une biographie très précise, qui est né en... qui a été invité à l'Oulipo, d'ailleurs, je te rappelle. Hein. Je ne sais pas si tu étais déjà à l'Oulipo à l'époque. En 74, tu étais déjà là. Tu n'étais peut-être pas à cette réunion. Moi, tu étais à cette réunion, tu te souviens ? C'est un garçon. Le premier à te parler de moi. Mais bien sûr. Donc, un garçon assez sympathique, poète, un peu oublié, malheureusement. Voilà. Et qui écrit, lui, des textes très courts, qui sont des cantos acuosos. Il a écrit d'autres textes avant, mais j'ai simplement retrouvé les cantos acuosos. Les contes acuosos, donc, ils sont les contes liquides, parce qu'en français, si on traduit, ça fait contes aqueux, et c'est pas terrible. Donc, les contes liquides. Et les contes liquides sont un hommage, évidemment, aux contes glacés, qui sont un livre de mon enfance, qui a été écrit par Jacques Sternberg, illustré par Roland Topor. D'ailleurs, les nouvelles sont plutôt plus proches de Topor que de Sternberg, en fait. Plus noires, plus... voilà. Et Montestrella, donc, dont le nom, finalement, par un hasard, comme parfois on produit la littérature, ressemble énormément à Sternberg, parce que Sternberg, ça se traduit par le monde de l'étoile, et Montestrella, ça se traduit aussi par le monde de l'étoile. Voilà. Et Jaime, c'est Jacques en espagnol et en portugais. Donc Jaime Montestrella, c'est Jacques Sternberg. Et... ce personnage écrit des petits contes qui viennent à chaque fois intervenir pour casser dans la narration tout ce qui serait pathétique, tout ce qui serait pathos. Et donc, dès que quelque chose devient pathétique, je fais intervenir un conte de Montestrella. Alors voilà, un conte de Montestrella. Alors celle-là est un conte... voilà. Donc, j'ai juste le passage d'avant, parce qu'il y a un petit hommage discret. Comme à chaque insomnie, j'ai traduit quelques nouveaux cantos acuosos. Ma bouée de sauvetage. Jaime Montestrella les avait écrits sur une période de 3 ou 4 ans, à raison d'un par jour. C'était sa gymnastique, comme il le notait dans son journal de bord. Souvent, il recopiait le conte du jour et l'envoyait par la poste à un destinataire dont il gardait trace. De mes 5 traductions de la nuit, j'en ai retenu la plus courte, destinée à un certain Jacques B. de Paris. Donc Jacques B., vous aurez compris que c'est Jacques Bince. Sur l'île de Tahi Roha, le jour du Vendredi Saint, les cannibales convertis au christianisme ne mangent que des marins. Voilà. Donc ce sont des contes extrêmement courts de cette nature. Et oui, bien sûr, bien sûr. C'est envoyé à Jacques Bince à cause du mot marin. Marie-marin et aquatique. Voilà. À cause... Voilà. Donc ça fait partie de ces choses qui sont... ce qui relève de l'esthétique de la complicité. C'est-à-dire on peut le lire absolument de manière absolument naïve, ça pose aucun problème. Et puis, pour les Oulipiens, ils reconnaissent Jacques Bince, ils reconnaissent les marins, et j'espère leur tirer un petit sourire, quoi. Voilà. Donc il y a des éléments comme ça. Et il y en a, c'est, évidemment, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que donc, à chaque fois, il y a un truc très discret qui fait qu'on est dans le sujet. Donc ça, c'est le premier fil. Et le deuxième fil, c'est le fil de la jalousie, qui est traité à la fois par la jalousie d'Homère pour Ulysse, parce qu'en plus, ils aiment la même femme, qui s'appelle Irène, et qui, évidemment, est la sirène, bien sûr. C'est la sirène qui, au niveau de la symbolique psychanalytique, pour ce que vaut la psychanalyse, mais en tout cas, qui représente toujours la femme destructrice, dévoreuse, inaccessible, et castratrice. Et donc, le personnage de la sirène est un personnage qui est un pont entre Ulysse et Homère. Et le thème de la jalousie est traité par un deuxième livre. Alors, il traduit les Contos Aquosos, comme il l'explique, mais simultanément, il essaye en vain d'écrire un livre sur Évariste Galois, et sur la mort d'Évariste Galois, et surtout sur l'homme qui a tué Évariste Galois. Évariste Galois étant un célèbre mathématicien qui est mort à l'âge de 20 ans, après avoir laissé dans un tiroir à destination de deux mathématiciens qui sont Jacobi et Gauss, des notes en disant à Jacobi et Gauss, regardez ce que j'ai écrit, dites-moi si ça a le moins d'intérêt. Et 20 ans plus tard, ils ouvrent le tiroir et putain, mais c'est absolument génial et ça fonde la théorie des groupes. Ils ont juste pris 20 ans pour ouvrir ce putain de tiroir. Voilà. Et les théories de Galois sont aujourd'hui des théories reconnues comme telles. C'était sans doute un des plus grands mathématiciens du 19e. Et s'il avait vécu, bon, voilà. Et donc, je traite cette question de l'imbécile qui tue un génie, ce qui arrive, hein. Bon. le légionnaire qui tue à Syracuse Pythagore, voilà. Donc, on a affaire là au cas de Galois. Donc, il est tué par un homme qui s'appelle Pécheux d'Herbainville. Et donc, j'essaye de faire écrire l'histoire de Pécheux d'Herbainville. Pour la petite histoire, ils sont tous les deux amoureux, Pécheux d'Herbainville et Évariste Galois, de Virginie Potin du Morel. Savez-vous que Virginie Potin du Morel est une aïeule de Camille Bloomfield? Eh non. Mais tu te rends compte, la réalité, la fiction, c'est hallucinant. C'est une aïeule, c'est quand même sa famille. Ça laisse quand même rêveur. Camille, elle en aura fait des choses pour les mathématiques. Elle en cache. Hein. Elle en cache. Non, mais elle est drôle quand même, cette affaire. C'est assez marrant quand même. C'est de sa famille. Voilà. Incroyable. Voilà. Donc voilà, ce thème de la jalousie traverse le livre et essaye de le faire d'une manière symétrique. C'est-à-dire que les mêmes aventures, il essaie d'écrire des aventures. Le livre qu'il essaie d'écrire s'appelle La Clairière. Bon, alors, pour des raisons très complexe, mais il s'appelle La Clairière, et ça commence par l'endroit pendant la clairière où meurt, il n'y meurt pas, mais enfin, c'est là qu'il y est mortellement blessé, où meurt Évariste Galois. Et d'ailleurs, le début de La Clairière est écrit exactement comme le début de La Chartreuse de Parme. C'est-à-dire qu'il aimerait tellement écrire son livre en 53 jours qu'il se dit, comme la Chartreuse, je vais y arriver. Donc, la première phrase du livre, je ne sais plus où je l'ai foutu, mais est un. Je ne l'ai pas mise au début, je crois. C'est un peu plus loin. Ouais. Et le début, absolument recopié de la Chartreuse. Et puis. Voilà. Il écrit aussi ce qui est quand même assez intéressant pour moi. Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Le 30 mai 1832. Le républicain Pécheux d'Herbainville fit son apparition sur la clairière, accompagné d'un camarade qui venait de charger l'un des deux pistolets du duel et de lui apprendre que ce serait son adversaire Évariste qui, parce qu'il se présentait sans témoin, tirerait l'arme au sort. Ah, donc c'est exactement, syntaxiquement parlant, c'est le début de la Chartreuse. C'est pareil. Mais Hervé, vous dites que Évariste Galois tue son adversaire. Non, il y a une erreur dans ce bouquin, à un moment donné. Que lui meurt d'une péritonite. Ouais, non, c'est une erreur, je sais pas. La correctrice, à un moment donné, est devenue folle, et oui. Elle a changé un paragraphe honte à elle, c'est couverte de cendres, elle veut faire des trucs la durée. Moi, je connais c'est l'histoire aussi. Et voilà. Bien sûr. Oui, non, c'est Évariste. C'est lui qui est tué. C'est lui qui est tué. Il y a un moment donné, dans cette phrase, il y a une ambiguïté quelque part. Ah, non, c'est Évariste Galois qui est tué par Pécheux d'Herbainville. Bien sûr, oui. Et Pécheux d'Herbainville étant un militaire, et l'autre étant. Il se bat au pistolet, donc oui, c'est vachement injuste, dans le genre. Oui, c'est le genre. D'accord, on choisit ses armes, moi, je prends l'orthographe. Moi, je prends les équations. Voilà, on y va. Ouais. C'est un bon truc pour un mathématicien provoquer un duel, choisir son arbre. Donc, voilà, oui. Et donc, ce qui m'intéressait aussi, c'était de travailler sur le... Donc, il essaye d'exister à travers d'autres livres qu'il a lus. Donc, il essaye aussi d'exister en travaillant de la même façon que d'autres. Donc, non seulement il commence comme commence la chartreuse de Parme. En fait, la chartreuse de Parme, si on regarde comment c'est fichu, on peut écrire en grattant la chartreuse de Parme, on peut écrire à la clairière. Parce que dedans, à un moment donné, il gratte. Vous vous souvenez, quand il est enfant, oui, il gratte. Sur les si on prend la chartreuse de... Ouais, il gratte des instructions sur le métro. Et si on prend la chartreuse de Parme, et qu'on se débrouille avec un grattoir, on peut écrire à la clairière. C'est ça, l'idée. Enfin, on retrouve ça, cette idée-là. C'est des exercices oulipiens, ça. Mais ça, c'est vraiment pour moi. Je le dis maintenant, parce que je ne le dirai jamais plus. Mais c'est vrai que c'est un des trucs qui est caché dans la chartreuse de Parme. Ouais. Si on gratte certaines lettres, on peut écrire à la clairière. Ouais. Voilà. Et bon. Les exercices sur les textes censurés, là, dans l'anthologie de l'Oulipo. Voilà. Ou en grattant. En grattant, voilà. On fait apparaître un autre texte. Exactement. Tout à fait exactement. Différent, mais pourvu de sens. Et lui, il travaille aussi en utilisant les cahiers Le Dauphin. Qui sont les cahiers avec lesquels écrit Romain Gary. Oui, oui. Romain Gary écrit tous ses bouquins sur des cahiers de dauphin, format 23-30, qu'il travaille dans son sac et sur lesquels il écrit d'une écriture absolument presque sans rature, en trois volumes, La vie devant soi. Ce qui laisse toujours rêveur. Moi, ça me laisse rêveur. Hein. Bon. Voilà. Donc, il écrit aussi en utilisant ça. Et le dauphin. Les cahiers du dauphin, le dauphin va réapparaître plusieurs fois dans le livre aussi. Et les petites vignettes, les petits culs de bouteille là. Ah, les culs de bouteille là, ce sont des signes. Quelle fonction Ben, ce sont des azulejos. Ah oui. Et ça représente ce qu'il y avait de plus proche du canard. C'est le canard. C'est le canard. On avance vers le canard. On avance vers le canard au fur et à mesure. Oui. Je pouvais ne pas les mettre, c'est une sorte de joliesse. Que je ne regrette pas trop. C'est moi, je les ai récupérés sur Internet et je les ai retravaillés pour que ça soit possible. C'est moi qui ai fait la. Alors, par contre, c'est moi qui ai entièrement fait la carte de l'Okavango. Ouais. Ah oui, la carte de l'Okavango. Je vais peut-être parler juste un tout petit peu de l'Okavango. Il faut dire qui est canard. Ah oui, canard. Alors, canard. Et l'Okavango. Canard, c'est le personnage qu'on va chercher tout le temps. On va chercher à retrouver. C'est Pénélope. C'est vers lui qu'il veut retourner. Il faut savoir que Pénélopos, en grec, ancien, une fois de plus, ça veut dire canard. Elle s'appelle canard, en grec, parce qu'elle est sauvée par des canards, ou par des oies, c'est le même mot, lorsqu'elle est enfant. Elle se noie, des canards se jettent à l'eau et la sauvent. C'est la même histoire que le dauphin qui sauve les hommes. C'est un parallélisme qu'on va retrouver là. Donc elle est sauvée. Donc j'ai décidé qu'elle s'appellera Canard, parce que je n'allais pas l'appeler Pénélope et qu'il n'y a pas d'équivalent à Pénélope en prénom, et que Pénélope veut dire canard. Et ça me paraissait tellement lumineux qu'une jeune fille qu'on découvre à l'âge de 8 ans et qui dit à son amoureux, enfin celui qui va devenir son amoureux, qui a 12 ans, je m'appelle Canard, je trouve que c'est une sorte de défi de dire qu'une jeune fille dit je m'appelle Canard et tu m'appelleras Canard, et il l'appelle Canard tout le temps. Et elle s'appelle encore Canard tout le long du livre jusqu'au moment où elle prend son vrai nom. Et au moment où elle cesse d'exister en tant que personnage mythifié. Donc elle s'appelle Canard. Et que dire d'autre sur ce personnage? Oui, je voulais dire sur l'Okavango aussi. Donc voilà, on cherche Pénélope tout le temps. L'Okavango est aussi ce livre a failli s'appeler à un moment donné le Delta de l'Okavango. Et puis j'ai trouvé que c'était tellement Houellebecquien que ce n'était pas possible. Ouais, hein. Ouais. Donc je me suis arrêté en cours de route assez vite, hein, je te rassure. Je suis devenu assez raisonnable pour les titres. Non, mais bon, c'est quand même un assez beau symbole, l'Okavango. Ça pourrait être le Clésio aussi. Ah oui. Pas de l'Okavango. Ouais, ça pourrait. Il a toujours. Une propension. Ouais, ouais, ouais. Après, j'ai toujours ça. Mais après, je freine des cas de fer. Hein, quand même. Alors, le détail de l'Okavango, je ne sais pas si vous connaissez l'Okavango. C'est une magnifique. Bon, d'abord, c'est un fleuve qui existe, et c'est une métaphore absolue de ce livre. C'est pour ça que c'était tellement. C'est un Abkhazie. C'est un des trois. C'est le troisième fleuve. C'est le troisième fleuve d'Afrique par son volume, par son débit, mais c'est pratiquement le premier d'Afrique australe. Bon, il y a deux autres fleuves qui rivalisent en Afrique, c'est le Nil et le Congo. Hein. Et le Niger est plus petit que l'Okavango. Donc, quatre grands fleuves, dont l'Okavango. L'Okavango a une caractéristique inouïe pour un fleuve. Il est immense. À un moment donné, il fait 1 km de large, pas très profond, parce que ce sont des rapides, mais ces rapides sont sur 1 km de large. Donc, c'est vraiment un très gros fleuve. Mais il n'arrive jamais à la mer. Parce qu'à un moment donné, il arrive dans le désert du Kalahari. Et dans le désert du Kalahari, pendant 500 km, donc quand même quasiment un delta de la taille de, je ne sais pas, mais deux fois l'Aquitaine, dans ce delta, il se perd dans les sables et il finit dans un marécage boueux, puis le désert. Les gens qui habitent là ne savent même pas que c'est un fleuve. Pour eux, ils vivent dans un marécage. Parce que le fleuve est tellement lent qu'ils ne le savent plus. Et ceux qui habitent plus haut croient qu'ils habitent au bord d'un fleuve. Et puis après, c'est le désert. Donc c'est une sorte de métaphore de mon personnage. Vraiment, j'ai trouvé ça tellement lumineux. J'ai trouvé le delta de l'Okavango au bout de 3 ans d'écriture. Et donc je me suis dit, mais je ne peux pas laisser ce phénomène géographique absent du livre. C'est tellement le parallélisme est tellement total avec mon personnage qui essaye d'arriver à la mer et qui n'y arrive pas, quoi. Sa mère à lui étant la création, mais qui reste sec, qui devient sec au fur et à mesure qu'il avance, qui n'arrive pas à écrire, et qui n'arrive jamais à parvenir à son propre destin. Et donc voilà, j'ai trouvé ce personnage de fleuve absolument formidable, et j'ai voulu le mettre dans... Bon, il se trouve en plus qu'il naît dans une colonie, dans une ancienne colonie portugaise. Ça, c'est tout à fait au hasard. Mais il y a une des scènes qui se passe dans le livre, un des morts qui se passe... dans un endroit qui est tout près de la naissance des sources de l'Okavango. Voilà. Et donc, voilà, mon fleuve était une telle symbolique de la vie de mon personnage principal que j'avais envie de le mettre dedans. Et lui, qui n'est pas dupe sur sa propre vie, se trimballe en permanence avec cette carte qu'il met au mur comme une sorte de défi, qui lui dit « Mais écris, putain. Fais quelque chose de ta vie. » Cool. Cool. Voilà. Qui lui dit en permanence d'écrire, parce que c'est vrai que le delta dit ça. Enfin, quand on voit le delta de l'Okavango, on se dit que il faut augmenter son débit si on veut vaincre le désert. C'est un peu ça, c'est symbolique même du texte. Voilà. Au bout de 3 années, donc il a fallu combien de temps pour écrire pour le bouquin en tout, oui. J'ose à peine le dire. Mais justement, c'est ça qui t'intéresse. 15 ans, 16 ans. C'est vrai. J'ai commencé en 93. Et je l'ai fini en 18 ans presque. Je l'ai fini en 2011. Donc il a fallu un bon bout de temps. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde réel. Il y a presque 15 ans où je fais rien, quoi. Où c'est sur un coin de table et où je me dis je vais avancer. Où des amis qui avaient lu le début me disent mais continue quand même. et je n'y arrive pas. Il me manque des choses pour finir. Et les choses qui me manquent, je crois que c'est objectivement l'âge, une façon de concevoir la vie que je n'avais pas à cette époque-là et qui ne permet pas d'écrire cette fin, et cet épilogue, par exemple. Des choses aussi fortes que la présence de l'Okavango et mes deux fils narratifs avec Pichot d'Hermainville et Les Contos Aquosos, qui me permettent d'avancer dans le roman, qui me permettent de suivre le roman en permanence comme ça et de le faire bouger. Ce qui fait un roman dont j'espère... qu'on ne voit pas, c'est ce que je disais sur la création, j'espère qu'on n'en voit pas la durée, j'espère qu'on ne sent pas les trois passages, j'espère que le bouquin est cohérent en tant que tel, de toute façon j'ai tellement réécrit, je suis arrivé avec un texte, j'avais 150 000 signes quand j'ai commencé à reprendre le bouquin, et les 150 000 signes sont tombés à 85 000, donc j'ai élagué à l'intérieur d'une manière absolument énorme, et j'ai inséré beaucoup d'autres choses. Voilà. Moi j'ai une tendance à faire des patchwork et à faire disparaître les fils après. Mais j'aime beaucoup l'idée de la richesse qu'il y a dans le patchwork. C'était pas le cas dans le voleur, par exemple ? Dans le voleur, c'était pas tout à fait le cas. Dans le voleur, j'avais pas fait un patchwork. J'avais une vraie histoire dans laquelle j'avais inséré mes nouvelles. Mais je les avais insérées à l'intérieur. Mais c'était juste des petits piliers de pont qui allait d'un endroit à l'autre, et l'histoire, elle coulait. D'ailleurs, le voleur, je l'ai écrit en 6 mois. Donc c'était pas pareil. Avant Electrico, avant même C'est pareil d'abord, j'avais écrit un tout petit roman qui fait 80 pages, que j'avais écrit en 15 jours. Donc, le mode sur lequel on travaille peut être extrêmement différent. Celui-ci est... Un an. C'est-à-dire 2 ans. Enfin, 2 ans, oui. Mais objectivement, 6 mois plus 6 mois. Et je m'attache très facilement. Et je m'attache très facilement en 15 jours. C'est celui-là. Ouais. En fait, très exactement 4 jours, puis 6 jours. Parce que l'éditeur m'a dit, moi, tu déconnes, t'as vu, ça fait 50 000 signes. Et c'est vrai que 50 000 signes, ça rentre nulle part. Hein. C'est pas un format possible. Et donc, j'ai rajouté 30 000 sans difficulté. Voilà. Toujours, quand on rajoute des signes, il est clair qu'il faut rajouter des choses. Donc, il faut pas... faut trouver d'autres... Enfin, parce qu'on peut très bien... elle portait une robe violette à pois bleus. On fait ça tout le temps, on arrive à augmenter un peu. Tu peux faire à la bince, tu sais. À la bince, ouais. Tu rajoutes une phrase entre deux phrases. Voilà. Oui, ça peut marcher. Hein. Ça marche très bien. C'est pas ce que j'ai fait. Plutôt que d'augmenter un texte par le début ou par la fin, ouais. Ce qui risque de se voir, parce que ça peut être une faux figure, ouais. Tu mets une phrase, tu te donnes la contrainte de rajouter une phrase entre chaque phrase et tu augmentes considérablement ton ouais. texte. Hein. Le risque, c'est de lui faire dire le contraire de ce qu'il disait. C'est un peu le problème. D'ailleurs, c'est même le but, souvent, c'est que ça n'est intéressant que si tu te fais bouger dans le sens contraire. Ouais. Donc là, j'avais adopté un principe différent, j'ai rajouté. Un personnage parallèle et j'ai augmenté d'un système comment dire genre boutique obscure des rêves, j'ai rajouté 2 rêves, ce qui me semblait cohérent avec le personnage. Tiens, on pourrait dire un petit mot des formes courtes. Ouais. Les amnésiques n'ont pas vécu d'inoubliable. Alors, les amnésiques... Je compte jusqu'à ça. Ouais, les amnésiques, c'est un peu... Les amnésiques ? C'est un peu un exercice péréquien du type « je me souviens » ou pas ? Non. Enfin, il y a une dimension, évidemment, qui est forcément liée au principe même de la liste. C'est-à-dire que j'imagine que lorsque Pérec a écrit ce « je me souviens », il devait en permanence, sur une forme courte, chercher du souvenir. Et moi, je faisais pareil, c'est-à-dire que sur une forme courte, je cherchais de la réflexion qui soit à la fois de l'ordre du witz, donc de l'ordre du jeu de mots, et puis de l'ordre de la sincérité, de la réflexion plus, entre guillemets, approfondie sur les relations. Voilà. Le livre, je l'ai écrit en 3 phases. Une première phase de 300, pour laquelle j'avais fait une bibliothèque oulipienne. Une deuxième phase plus pénible, de 300 à 700, où j'ai dû en trouver 400 avec difficulté. Et après, j'ai enfin compris comment ça marchait. J'en ai fait 300 très rapidement. Donc ce sont des petites pensées qui sont toutes autour de la question « à quoi tu penses ?» On peut en lire 2-3, hein, ça va aller vite. « À quoi tu penses ?» Je pense que quand j'étais gosse, j'écrivais au Père Noël et qu'aujourd'hui encore, il m'arrive d'imaginer les 3 souhaits que je souhaiterais voir exaucés si je rencontrais une fée. « À quoi tu penses ?» Je pense qu'il s'est passé plusieurs années entre le moment où j'ai compris que j'allais mourir et celui où j'ai compris que j'allais d'abord vieillir. À quoi tu penses ? Je pense qu'aucune chenille ne se doute qu'elle sera un jour papillon. À quoi tu penses ? Je pense qu'en 1514, personne n'aurait pu imaginer 1515 Marignan. À quoi tu penses ? Je pense que je suis incapable de résister à une femme à qui je plais, et je m'en moque d'être un type facile. Etc. À quoi tu penses ? Je pense que non, chérie, Porthos, Athos et Aramis ne sont pas des îles grecques. À quoi tu penses ? Je pense que certaines filles maigres comme des clous me rendent marteau. Alors celle-là, à traduire... Courage. Eh ben ouais. Donc j'ai une version internationale, sans jeu de mots. Ouais. La version grecque où ils ont repris le titre sur les champignons. Tous les champignons sont comestibles, certains... Une fois seulement. Ouais. Ce qui est vrai. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une phrase à peu près équivalente, c'est... Tout le monde peut caresser un tigre, souvent une seule fois. Ouais, qui est un proverbe qui ressemble quand même beaucoup, qui est un proverbe bengali. Bengali. Voilà. Il y a quand même une différence fondamentale avec les « je me souviens », c'est que « je me souviens » est fait pour être collectif, momentané et oubliable. C'est-à-dire que c'est impérissable, le « je me souviens » ouais. On est déjà à la 3e édition du « je me souviens » de « je me souviens » et « je me souviens » encore plus de je me souviens, etc. Parce que chaque fois, plus personne ne sait, enfin, plus le temps passe et plus on oublie qui était Ray Famchon, qui était Ray Daquer, etc. Oui. Et comme il y avait une, sorte de mémoire collective chez Pérec, ça n'est pas, c'est pas tourné vers lui-même, c'est tourné vers, vers le collectif. Il y a quelques petits dérapages. Ouais. Dedans, je me souviens que mon oncle avait une DS. Ouais. Mais c'est très très rare. Le reste, c'est une visée de mémoire collective qui est la mémoire des années 70, à un moment donné, comme ça, pour les gens de sa génération. Et donc, très précisément, c'est destiné à s'enfoncer dans le temps, c'est du périssable. Alors que là, il y a une recherche d'universalité qui, et de durabilité, puisque il y a peu de chances que les chenilles et les papillons modifient leur mode de transformation dans les années qui viennent. Par exemple. Oui. Et donc, c'est pas. C'est le même système de démarreur, hein, à quoi tu penses, et que je me souviens. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Mais ce n'est pas le même objectif. Non. Le livre de Pérec, il faudra des notes, hein, et de plus en plus. Ah ben aujourd'hui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le lire. Bah, le livre de Pérec, il y a un bouquin, tu connais. Tu connais le bouquin? Non. Ah, il y a un bouquin que j'ai publié il y a des années, tu sais. C'est ça, c'est le bouquin de Roland Brasseur. Le Roland Brasseur, qui est Je me souviens. Celui dont on parlait. Je sais, il a refait deux fois. Qui est au Castor Astral. Voilà, qui est au Castor Astral. Qui est un très très beau livre. Parce qu'en fait, c'est pas le livre de Roland Brasseur n'est pas un livre qui finit par parler du bouquin de Pérec. C'est un livre qui finit par parler des années 60. Et donc, c'est magnifique parce que. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va voir Samy Frey sur son vélo, 80%. Encore rien. Des jeunes gens qui sont là ne comprennent pas de quoi on parle. Je me souviens de Ray Daquer. Ouais. Vous connaissez Ray Daquer? Qui connaît Ray Daquer? Je suis gardé, hein. Mais ça ne me rajeunit pas. Non. C'est un chanteur à accent égyptien des années 40, ouais. 50 50. 50. Mm-hmm. Oh, non, ça. Non, voilà, c'est salaud. Hein. Alors, pour finir sur les amnésiques. C'est quand même un bouquin à contrainte, mais c'est masqué. C'est-à-dire que pour les écrire, je m'étais quand même fixé 5 ou 6 voix, j'ai oublié lesquelles d'ailleurs, hein, et qui tournaient autour de... et qu'ensuite, je répartis de manière différente. Parce que parfois, on se dit, bon, je vais m'intéresser à la question du sexe, à la question des rapports avec les femmes, à la question de la mort, à la question de l'avieillissement. Et donc, on en fait une série. On en fait une série, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein. Et après, on les intercale pour faire un coq à l'âne. Parce que sans coq à l'âne, on en meurt. Et la deuxième chose... qui est intéressant, c'est que souvent, j'ai travaillé avec... au bout de 600, 700, j'en avais vraiment marre. C'est-à-dire que je me disais, 1000. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là à lire des textes très courts, que je connaissais, mais en me disant, qu'est-ce que je pourrais bien en faire. Donc, j'ai lu Ambrose Bierce, j'ai lu Les Grégarias de Ramon Gomez de la Serna, etc. Et je m'inspirais de ça. C'est-à-dire que... Je m'inspirais. Je vous donne un exemple que je donne souvent, mais qui me paraît extrêmement intéressant, parce que ça dit aussi la manière dont fonctionne l'esprit humain. Le collectivisme, comme disait la fille qui a fait une conférence que je n'ai jamais vue et que je ne veux surtout pas voir, sur les amnésiques. J'avais travaillé avec Ramon Gomez de la Serna, et dans Ramon Gomez de la Serna, les Grégarias, je ne sais pas si vous connaissez les Grégarias, Ramon Gomez de la Serna est un pianiste de jazz, sous le franquisme, mais qui écrit des textes extrêmement courts et qui sont magnifiques, qui sont des textes extrêmement... très, très, vraiment très, très courts. Il a écrit, il écrit qu'il est en train de manger sa paella, il est espagnol, et qu'il est en train de ranger ses moules sur le côté de l'assiette, et ça lui fait penser aux gondoles à Venise. Bon. Alors, ouais, les gondoles à Venise, bon, l'image qui m'est venue, c'est, bon, il range son truc sur les assiettes, gondoles à Venise, les moules... Je repense à Fellini, à l'enterrement dans Casanova de Fellini, qui est, comme vous vous en souvenez, une gondole qui traverse la nuit, magnifique, mais un truc, juste une des plus belles images d'enterrement qui soit. Et je pense à une deuxième phrase, à un deuxième truc que je savais sur les gondoles, c'est qu'elles avaient été peintes en noir pour qu'on fasse pas pour pas humilier les pauvres. Parce que sinon, on pouvait imaginer les gondoles de toutes les couleurs, bariolées, mais... les pauvres n'ayant pas les moyens de les prendre, ça aurait été une humiliation supplémentaire que de les voir. C'est incroyable. Hein, c'est hallucinant. Hallucinant. Non, non, mais c'est. Les taxis blancs sont noirs. C'est ça. Voilà. Parce que les gondoles pouvaient être de toutes les couleurs, c'est vrai, après tout. Elles sont toutes noires. Pourquoi? Historiquement, c'est ça. Et donc, il m'est venu une phrase, je ne sais pas d'où, mais qui était. Ça mélangeait les moules, ça mélangeait l'enterrement, ça mélangeait les gondoles. Et j'ai écrit « Les moules ont l'air d'être habillées pour aller à l'enterrement des huîtres ». Bon, je ne dis pas que c'est génial. Mais en tout cas, quand je l'ai eu trouvé, ça m'a vraiment fait marrer. Et donc, je l'ai mise... voilà. Je pense que les moules sont habillées. Voilà. Et parfois, il y avait d'autres choses, je ne sais plus. Moi, j'avais ça ressemble beaucoup... un peu aux histoires naturelles de Jules Renard. Aux histoires naturelles de Jules Renard. Ouais. Et puis aussi au petit bouquin de Philippe Cousin, qui s'appelait, je ne sais plus comment, au dessin minuscule. Bon, Philippe Cousin est l'auteur de la plus petite nouvelle au monde, dont je vous rappelle, ça s'appelle « À l'hôpital ». Et la nouvelle dit ceci, « Le grand brûlé s'est éteint ». Enfin, franchement, ça va loin. Ça va loin. Donc il y avait des textes, j'avais aussi lu des petits textes de Cousin, et je m'en servais un petit peu, voilà. Parce que souvent on va ailleurs. Et je me suis dit, il y avait un texte de Cousin. Lichtenberg. Woody Allen. Woody Allen, Sternberg, bien sûr, bien sûr. Il y avait un truc de Cousin, je l'ai dit à Philippe d'ailleurs, qui il dit, mon dictionnaire est tombé par terre, ils sont ouverts sur le mot hasard. Alors là, c'est l'endroit où j'ai fait le plus proche, vraiment, de lui. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Et donc j'ai écrit, je pense que quand j'ouvre le dictionnaire au hasard, et que si je trouve le dictionnaire au hasard et que je tombe sur le hasard, c'est un miracle. Alors que si je joue le dictionnaire au hasard et que je tombe sur le mot miracle, c'est un hasard. Voilà. Donc c'est un petit décalage du texte de Cousin, un petit enrichissement. Bon, voilà. Mais c'est objectivement le truc de Cousin est là. C'est-à-dire, je ne lui cache pas. Voilà. On ne peut pas en permanence mettre de qui ça vient et tout ça. Mais pour écrire ça, souvent, après, j'ai fait des micro-emprunts ou des micro-décalages de choses. Et je trouve d'ailleurs que c'est assez intéressant. Le dictionnaire du diable d'Ambrose Bierce, par exemple. Bierce. est farci de choses absolument incroyables. Je veux dire, peinture, sculpture d'un sujet tellement moche qu'on n'ose pas l'imaginer en 3D. Enfin, c'est juste génial. Enfin, je ne sais plus si c'est ça, mais en gros, c'est un truc comme ça. Ça vaut largement... mais on voit bien que De Beers, pour aller jusqu'à je ne sais plus qui d'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait la sculpture, c'est le truc dans lequel on se cogne quand on veut voir un tableau. La sculpture, c'est le truc dans lequel on se cogne lorsqu'on recule pour voir un tableau. Je me demande si c'est pas Picasso qui disait ça avec le plus grand mépris qu'il avait pour la sculpture jusqu'au moment où il s'est mis à faire de la poterie. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça où on lit ça et puis on se dit qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça, quoi. En s'inspirant, enfin en cherchant où ça nous amène. Donc c'est comme ça que j'ai bossé. Et puis ça, c'est le dernier livre. Bon, parce que je vois qu'il est déjà tard. Oui, on peut le lire. Je compte jusqu'à 100. Bon, je compte jusqu'à 100, c'est les points de vue. Je ressors bientôt. J'en ai fait 221, qui est un nombre de Queneau. Et donc je ressors. Hein, au Castor. Ouais, au Castor. Et donc ce sont des points de vue sur la Joconde. C'était un travail que j'avais commencé pour une soirée consacrée à la peinture. Et je devais au début faire des points de vue à la soirée d'avant, une soirée de lecture de l'Oulipo, sur le Dormeur du Val. Je voulais faire des points de vue du légiste, point de vue de l'arboriculteur, point de vue de l'hydrographe sur le Dormeur du Val. Donc le point de vue étant simplement l'examen du tableau général qui est offert par la poésie du Dormeur du Val, et puis l'avis d'un spécialiste d'un domaine qui n'a rien à voir avec la poésie. Donc le paysagiste qui donne un avis personnel sur la montagne, les rayons d'argent. Voilà. Et puis, je n'ai pas finalement fait ce travail, et j'ai décidé de le faire pour la soirée peinture suivante avec la Joconde. J'en ai commencé par en faire 15. Ça a bien marché, c'est-à-dire que j'étais très content de mon résultat, et j'en ai fait... d'abord une première bibliothèque oulipienne, et puis j'ai complété pour en faire 100. Les 100 ont très bien marché, j'en ai fait 200 en tout. Et puis là, je ressors, j'en ai fait 21 en plus. Voilà. C'est un travail qui, lui, d'abord, je l'avais fait comme un hommage à... Tout en un seul volume. En un seul volume. On reprend tout, on les fusionne et on n'en fait qu'un seul. D'accord. Ce qui est une, comme on dit, une bonne idée commerciale. Oh là, t'imagines. Je te vois bien riche. Et voilà, ouais. Money. Et donc on va en vendre au moins 3 000. Être jackpot. Et donc, l'idée générale, c'est quoi? C'est on prend la Joconde, qui est le personnage que chacun sait qu'on a besoin de décrire à personne. Il y en a d'autres, hein, mais ils sont tous sous copyright, les autres. Mickey, voilà. On pourrait prendre Mickey, mais Mickey, j'aurais du mal. Et donc, je la précipite dans des situations où elle ne devrait pas être. C'était au début un hommage à Queneau, puisque j'avais fait pour 78. Donc, c'était en 77. Donc, c'était un hommage aux exercices de style qui avait 40 ans. En 30 ans, 77. C'est sorti en 47 ? 47. Donc, ça devait être pour les 30 ans, en 77. C'est ça, en 97. Et puis... c'était les 50 ans. 50 ans, alors. Pour les 50, 97. Pour les 50 ans, pour les 50 ans. Donc, il a commencé comme mathématicien. Tout jeune. J'ai largement arrêté. Et puis voilà. Et donc après, là aussi c'est pareil. C'est exactement comme les. On en fait 30, c'est facile. Et après, voilà. Donc là, j'en ai rajouté 21. Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai rajouté, parce qu'en fait, le monde a bougé depuis 10 ans. Et j'ai fait donc le point de vue de Modiano, parce que je voulais rendre quelques hommages. Point de vue de Guillaume Musso. Attends. Le point de vue. Le point de vue d'Al-Qaïda. Le point de vue de Facebook. Donc des choses qui sont qui n'existent, qui en 10 ans montrent l'évolution du monde, quoi. Parce qu'il faut. Et est-ce que tu as fait le point de vue de la jumelle? Tu as vu, on lui a trouvé une jumelle en Espagne. Bah, j'ai vu ça. J'ai vu ça. On a trouvé une autre Joconde de la même époque. Du même atelier. Peut-être elle est du maître. Non, mais c'est juste formidable. Elle est vraiment quasiment identique. Au Prado. Dans les réserves du Prado, ils croyaient que c'était une copie tardive, genre 19e de la Joconde, et en fait, c'est une originale contemporaine de la Joconde. Et on avait. Du même atelier, ils ont. On avait repeint dessus, je crois. Examiné les pigments et tout ça. On avait repeint, non ? Atelier de la même époque, et donc si ça se trouve, elle est du maître. Ouais. Ou du disciple du maître, elle a tout petit peu moins ceci. Ou alors celle-là est du maître. Et la Joconde est du disciple. Oui, ça, c'est bien. En tout cas, c'est une double. Ce serait intéressant que tu fasses le point de vue de la Joconde. Ouais. Peut-être dans le prière d'inséré. Ben oui, tu vois, je sais pas, parce que ça m'a frappé. Je pensais à toi, regarde. Ben moi aussi, j'ai vu ça. J'ai vu ça il y a 10 jours. J'ai vu ça il y a 10 jours. Putain, encore 221 à écrire. Ouais. Joconde jusqu'à 200, Joconde jusqu'à 300. Ouais. Ben voilà, donc ce sont des travaux qui, à la fois, travaillent dans le pastiche, parce que, du point de vue d'Al-Qaïda, c'est une déclaration de guerre d'Al-Qaïda au musée du Louvre, parce qu'elle n'est pas voilée. Et donc, ça force à retravailler. Elle fait presque peur, d'ailleurs, le point de vue d'Al-Qaïda, quand je le lis, pas trop. Parce que j'ai repris exactement les termes des déclarations de. Al-Qaïda, c'est pas très réjouissant. Et puis, les autres travaillent soit sur... j'ai fait un pastiche de Solers aussi, un pastiche de Christine Angot. Il est gratiné. Tu es très proche de la réalité, puisque les salafistes ont proposé, enfin, ils n'ont pas proposé, ils voulaient imposer de voiler les femmes nues dans les tombes de Luxor. Ouais. Note que les chrétiens ont quand même détruit beaucoup de statues grecques, on voyait des kikis. Eh oui, on ne connaîtra jamais la vraie taille du sexe de David. Je pense qu'on peut la deviner. On peut la deviner, ouais, quand même. Parce que... Il n'était pas du genre à faire des anomalies. Voilà. Donc Goliath devait être mieux fichu. Mais à quoi tu travailles en ce moment? Alors en ce moment, je suis en panne. Pardon. Enfin, je travaille. Je suis en train de faire les contours aquosos de Montestrella, ça me prend quand même pas mal de temps. Je voudrais finir le. Enfin, je voudrais faire au moins 300 à 400 contes de Montestrella pour faire un volume de Contos Aquosos, où je traduirai les contes de Montestrella. Donc ça prend un petit peu de temps parce que il faut éviter le côté répétitif du conte. C'est des formes très courtes, c'est pas. Voilà, donc je fais ça. Et puis sinon, j'ai un projet qui est autour de la notion du 4x4, donc 4x4, donc le nombre 16, et je voudrais que ça se passe en Islande, et que ça soit le début d'une histoire qui se déroule sur 16 ans. Donc 16 chapitres, une année par chapitre, les personnages seront au nombre de 4, on les reprendra tous les 4 ans, et dans les 16 dernières années. 4 roues motrices. 4 roues motrices, voilà. Oui, 4 roues motrices, voilà, c'est ça. C'est mes 4 personnages qu'on suit en permanence, et qui sont dans un 4x4. Enfin, 3 dans un 4x4, Et le quatrième observe le 4-4 d'un flic. Voilà. Donc c'est un travail qui est assez intéressant parce qu'évidemment, le nombre 16 est aussi un nombre très particulier. Voilà. Bien, merci beaucoup, merci. Hervé. Merci. Merci à tous. Et donc, on se retrouve lors de la prochaine séance. Ouais, c'était Virginie. Non. C'est Virginie ? Non. Programme, oui, Virginie est prévue. Mais je n'ai plus le programme ici. Moi, je t'ai vu sur un programme. Oui, oui. Programmé en mars. Ça y est, tu es programmé. Je crois, oui. Je vais vous envoyer le programme définitif là à tous, puisqu'il vient d'être fait. Il y a une affiche. On aura même le plaisir d'entendre Marc Lapran le 4 mai de l'Université de Victoria, qui va venir à Paris. Oui. Tu as fait la promo déjà de nos soirées. Mm-hmm. Tu as fait la promo de nos soirées, on peut pas repartir d'une couche. Oui, quelle soirée tu veux dire ? C'est la soirée d'Oulipo. Le jeudi de l'Oulipo. Oh. Il n'y a plus de place.